Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, un enlèvement qui a secoué l'Amérique des années 70, un polar digne d'Hollywood, un roman noir et politique, l'affaire Patricia Hearst. Jeune fille rangée, héritière d'un grand groupe de presse, sage fiancée, Patty est kidnappée par des révolutionnaires d'extrême gauche avant de devenir Tanya, l'une des leurs. Tournant le dos à ses origines, elle devient le pire bandit dont l'Amérique de Nixon puisse rêver, une communiste. Plus de 40 ans après les faits, l'embardée violente de Patricia Hearst, hors des chemins tracés par sa richissime famille, questionne encore. Pourquoi la jeune femme a-t-elle dévié de sa trajectoire pour faire le choix de la radicalité, de la marge? Est-ce un caprice d'enfant gâté, blasé, ou un choix conscient, politique, celui d'une femme révoltée? D'ailleurs, le choix de Patricia Hearst en était-il vraiment un? Pour en parler avec nous après le récit, nous recevrons Lola Lafont, auteure de Mercy, Mary, Patty, un roman publié en 2017 chez Actes Sud, dans lequel elle retrace le parcours de cette icône paradoxale de l'Amérique des années 70, qu'a été Patricia Hearst. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec Lina, préparée aujourd'hui par Jeanne Maillard, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Laigle. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Berkeley, Californie, 1968. Sur Telegraph Avenue, l'artère centrale qui mène à l'université, des jeunes aux cheveux longs distribuent des tracts antiracistes et pacifistes, tandis qu'on écoute Bob Dylan, Les Doors, Jimi Hendrix. Au cours de la décennie qui se termine, le campus de la célèbre université près de San Francisco a vu naître le mouvement hippie. Et c'est ici qu'ont commencé les révoltes étudiantes qui agitent les États-Unis depuis quelques années. La contestation multiforme de l'ordre établi culmine avec les manifestations contre la guerre du Vietnam qui poussent le président Nixon à établir un couvre-feu dans l'université californienne. En mai, étudiants et policiers s'affrontent violemment, annonçant la fin des sit-ins pacifiques de l'antimilitarisme beatnik. Dès le milieu des années 70, c'en est déjà fini des hippies, des utopies libertaires et joyeuses. Les 60s laissent place à des mouvements radicaux, violents parfois, qui inquiètent profondément le pouvoir. L'administration de Richard Nixon développe alors une politique répressive fondée sur le slogan « Law and Order », la loi et l'ordre, pour lutter contre la gauche radicale du collectif Weathermen et les mouvements afro-américains contestataires comme les Black Panthers. À ce climat politique tendu s'ajoute la crise pétrolière de 1973, la montée du chômage, la précarité, la drogue. Autant de fléaux qui font douter un pays chancelant que le pouvoir républicain pense menacé par une contagion des plus dangereuses, le marxisme. À Berkeley, les révoltes étudiantes des années 60 ne sont bientôt plus que des graffitis sur des murs aux couleurs passées, des discussions nostalgiques au détour d'un amphi, le souvenir figé d'espoir déçu. C'est là, en 1974, qu'emménage Patricia Hearst, 19 ans. Les manifestations de la décennie précédente, elle les a regardées, inquiètes, à la télévision, dans la salle de jeu du manoir, où elle a grandi avec Anne, Vicky, Cathy, Gina, les filles Hearst. Patty et ses sœurs sont l'incarnation de la jeunesse américaine fortunée, les cheveux lisses parfaitement peignés, héritières calées d'un empire de presse dirigé par leur père, Randolph Hearst. Fils de William Hearst, qui inspira Orson Welles pour Citizen Kane, le père de Patricia dirige 9 quotidiens, des magazines mensuels, 4 chaînes de télé et autant de stations de radio. Patricia naît le 20 février 1954 et la troisième fille de Randolph Hearst. C'est aussi la plus audacieuse. Un poil rebelle, c'est aux grandes dames de sa mère, Catherine Campbell, qu'elle s'inscrit à Berkeley. Les pattes d'eff de Patricia et ses ceintures en cuir inquiètent un peu cette mère traditionnaliste, qui craint que le passé tumultueux de l'université ne déteigne sur sa petite fille rangée. Mais bien vite, avant même de sortir des rangs, Patricia Hearst se range. Basta la fureur de vivre, elle rencontre un fiancé, professeur de mathématiques, Stephen Weed, et se prépare à devenir une gentille épouse. Le couple mène une vie tranquille, routinière même, dîner entre amis, cinéma le week-end, lessive le dimanche. Une vie qui aurait pu durer et logiquement évoluer, les enfants, la maison, le chien. Mais le long fleuve tranquille de la housewife paisible va prendre un tour inattendu. le 4 février 1974, alors que Patricia Hearst et Stephen Weeds sont sur le point de se coucher, la sonnette de l'entrée retentit. Des jeunes ont eu un accident de voiture, ils cherchent un téléphone. Alors que Stephen ouvre la porte, trois individus surgissent. Coup de crosse pour Stephen, qui s'effondre. Patricia, en chemise de nuit et robe de chambre bleue, est ligotée, les yeux bandés avant d'être jetée dans le coffre d'une Chevrolet. Voilà, en l'espace de quelques minutes, la comédie romantique vire au thriller cauchemardesque. Si l'on en croit la police de Californie et la famille Hearst, les ravisseurs de la jeune Patricia ne se sont toujours pas manifestés. Quoi qu'il en soit, Randolph Hearst, directeur, rédacteur en chef du San Francisco Examiner et de ce qui reste de la vaste chaîne de journaux créée par son père, a lancé un appel aux ravisseurs leur promettant l'immunité en échange d'une libération de sa fille. Ce sont, je vous le rappelle, deux hommes noirs et une femme blanche, peut-être mexicano-américaine, qui ont effectué l'enlèvement d'une façon très brutale. Et certains se demandent aujourd'hui si ce geste criminel n'est pas en rapport avec la vague d'attentats qui s'est abattue sur la région de San Francisco depuis le mois de novembre. Les 22 décembre et 30 janvier dernier, à la tombée de la nuit, deux noirs circulant en voiture à travers les rues de San Francisco avaient massacré au hasard 11 personnes, toutes blanches. Les deux meurtriers n'ont pas encore été retrouvés. D'autre part, un mouvement terroriste basé en Californie, le SLA, avait fait savoir récemment qu'il procéderait à des enlèvements pour financer la lutte contre ce qu'il appelle la société bourgeoise, l'establishment. Qui sont les ravisseurs de Patricia Hearst ? Les enquêteurs le pressentent. Il ne s'agit pas d'un kidnapping classique pour obtenir une rançon, non. Il se trouve que la côte ouest américaine abrite toutes sortes de révolutionnaires et de groupuscules plus ou moins accomplis qui multiplient attentats, braquages et fusillades. Dans un premier temps, la presse parle de deux hommes noirs. Et certains pensent à la Black Liberation Army, un groupe marxiste qui se bat pour la libération et l'autodétermination du peuple noir aux États-Unis. Mais le fiancé de Patricia Hearst, lui, évoque deux femmes blanches et un homme. Le FBI, chargé d'enquête, se perd, tant les suspects sont nombreux. Les parents de la jeune femme, eux, s'effondrent, impuissants. En fait, le suspense sera bref. Trois jours après l'enlèvement, le 7 février 1974, la KPFA, une radio de Berkeley, reçoit un communiqué de 7 pages qui revendique l'enlèvement et qui se termine par ces mots. « Mort à l'insecte fasciste qui se nourrit de la vie du peuple ». Signé l'armée de libération symbionaise, le SLA. C'est une surprise pour les Hearst, qui ne connaissent pas ce mouvement, mais pas pour le FBI. Créé l'année précédente, le SLA est un groupuscule d'extrême-gauche dirigé par Donald DeFries, un cambrioleur afro-américain tout juste évadé de prison où il s'est radicalisé. Le général Cinque, comme il s'est fait appeler en hommage à un esclave africain meneur de mutinerie en 1839, promet la révolution des laissés pour compte contre les nantis. Détruisons les prisons, le racisme, le sexisme, le capitalisme, le fascisme, l'individualisme, le sens de la compétition, écrit-il dans le communiqué qu'il envoie le 7 février. Son mouvement, composé à 90% de blancs, ne dépasse pas la vingtaine de membres, dont une majorité de jeunes filles. Emily, Nancy, Angela, Camilla, des noms qui s'affichent en une des quotidiens. Des jeunes filles comme les autres, étudiantes, secrétaires, serveuses, elles pourraient être nos sœurs, nos amies, écrivent les journalistes. Des marxistes, des terroristes pour les autorités. Car l'armée du SLA a déjà montré de quoi elle est capable en assassinant Marcus Forster le 6 novembre 1973. La victime, directeur des écoles d'Oakland, à l'origine d'un système de cartes d'identification, est alors qualifiée de fasciste par Cinque, qui voit en lui un Judas vendu à la cause des Blancs. Avec le communiqué de l'armée de libération symbionnaise se trouve une bande sonore, dans laquelle Patricia Hearst explique notamment pourquoi elle a été enlevée. Mom, Dad, I'm okay. Maman, papa, je vais bien. I had a few scrapes and stuff. J'ai quelques égratignures, mais ils les ont bien nettoyées, ça va. They're getting okay. And I've caught a cold, but they're giving me pills for it, and so I'm not. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas peur. Ils ne me battent pas. Unnecessarily frightened. J'ai entendu que Steve et les voisins allaient bien. Personne n'a été blessé. These people aren't just a bunch of nuts. Ces gens ne sont pas une bande de cinglés. Et ils ont été vraiment honnêtes avec moi. Ils sont prêts à mourir pour ce qu'ils font. Je veux sortir d'ici, et la seule façon d'y parvenir est de faire ce qu'ils veulent. J'espère que tu feras ce qu'ils veulent, papa. Fais-le vite. You'll do what they say, Dad, and just do it quickly. La lassitude et l'hésitation sont palpables dans la voix de Patricia. Ma fille a été droguée, assure Randolph Hearst. Elle semble terrorisée, pleure sa mère, Catherine Campbell. Les coupables autodésignés, Cinque et ses comparses, il ne reste plus qu'à trouver où ils cachent leurs victimes. Facile à dire. 60 000 avis de recherche sont publiés, 5 000 personnes sont interrogées à San Francisco, sans résultat. La famille Hearst engage les meilleurs experts pour écouter et analyser en boucle la bande magnétique, des psychologues, mais aussi des ornithologues pour repérer d'où viennent les cris d'oiseaux qu'on entend en fond. Des médiums aussi qui reniflent les pulls verts de la jeune fille, des aveugles pour percevoir les détails de l'intonation. Le manoir des Hearst est devenu un barnum. Les journalistes campent par dizaines dans le jardin où ils boivent des bières servies par la cuisinière de la maison. Mais Patricia et le SLA restent introuvables. Personne n'a rien vu, rien entendu. Dans un premier temps, les ravisseurs ne demandent aucune rançon. Puis vient une demande comme les enquêteurs n'en ont encore jamais vue. Pour récupérer sa fille, Randolph Hearst devra verser 70 dollars de nourriture à chacun des indigents qui vivent en Californie, soit près de 6 millions de dollars. Une requête à laquelle le père de Patricia accepte de répondre, aidé par les dons de millions d'Américains qui envoient leur chèque au manoir des Hearst et proposent leur aide pour la distribution. Deux fois par semaine, des camions partent de l'entrepôt pour ravitailler une douzaine de centres de distribution des quartiers pauvres de San Francisco et de la banlieue. La liste des centres est annoncée la veille au soir et dès 6 heures du matin, les queues se forment pour toucher un sac ou un carton contenant de la viande, du pain, du lait en poudre, des légumes et des boîtes de conserve. La plupart de ceux qui viennent le font avec honte, parce qu'ils comprennent que cette nourriture est le produit d'un chantage dont la vie d'une jeune fille est l'enjeu. C'est pourquoi il n'est pas possible de les approcher pour les filmer ou leur parler, ce serait indécent et également dangereux. Mais ils sont souvent contraints de venir ici par la misère. « Je ne veux pas de cette nourriture », a dit un chômeur sans travail depuis 6 mois, « mais j'en ai besoin pour mes gosses. J'espère que grâce à cela, la fille sera libérée. » L'initiative de l'armée de libération symbionaise révèle aux yeux des États-Unis la réalité des inégalités sociales qui déchirent le pays. En Californie, cette région si développée où vivent les stars d'Hollywood, des millions de personnes luttent pour survivre, pour manger. Les caméras de télé filment des queues immenses et le chaos. Des émeutes, des vieillards écrasés par la foule, tant les nécessités sont nombreuses, tant la misère est grande et la nourriture insuffisante. Pendant plusieurs semaines, les distributions se poursuivent, cas à cas, tandis qu'arrivent d'autres enregistrements sonores de Patricia Hearst. Mais au fil des semaines, sa voix s'est affermie, durcie même. Le 9 mars, elle s'adresse ainsi à son père. Papa, maman. Ce n'est pas la SLA qui me fait mal. C'est le FBI ainsi que votre indifférence aux pauvres. Je ne crois absolument pas que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir. L'image qui a été donnée de moi est celle d'une fille innocente et impuissante, enlevée par de terribles noirs, des taulards en fuite. Mais je suis une femme forte et je déteste être utilisée de la sorte. Si tu avais fait ce que la SLA t'avait demandé de faire, je serais déjà libre. Papa, je sais que la plus grande partie de la nourriture t'a été offerte et que tu t'es très peu investi. S'il s'agissait de toi, maman, ou de toi, papa, je sais que j'aurais tout fait pour vous récupérer. Je suis désolée d'être arrivée à la conclusion que personne n'en a plus rien à faire de moi. J'ai l'impression de n'avoir plus aucune importance comme être humain. Patricia Hearst reproche à ses multimillionnaires de parents de ne pas tout faire ce qui est en leur pouvoir pour la sauver, pour sauver les pauvres. Elle leur reproche de l'avoir abandonnée. Radio KPFA, la station qui a reçu les premiers enregistrements de la jeune captive, diffuse alors une playlist censée lui remonter le moral si jamais, depuis sa geôle, elle pouvait l'entendre. Parmi les titres, Hold On, I'm Coming de Sam and Dave, Yes We Can des Pointer Sisters et Child of Universe de Barclay James Harvest. Mmh. J'ai choisi de rester et de combattre. C'est Patricia Hearst qui parle sur une bande magnétique remise à une radio de Los Angeles. Enlevée il y a 2 mois par l'armée de libération symbionnaise, la fille du milliardaire américain a décidé de partager le destin de ses ravisseurs. Patricia s'appellera désormais Tania et luttera aux côtés des 20 ou 30 membres d'une organisation qui reste toujours mystérieuse pour le FBI. Ici, sa première photo de révolutionnaire mitraillette en main. C'est bien la voix de notre fille, ont confirmé M. et Mme Hearst. « Père, vous êtes un menteur, un membre de la classe dirigeante », dit Patricia dans son entourage. « Je te garde de toute façon mon affection », a répondu Randolph Hearst. Le 3 avril 1974, stupeur. Patricia Hearst l'annonce elle-même. Elle a rejoint l'armée de liberté symbionnaise de son plein gré afin de lutter pour sa liberté et celle de tous les opprimés, explique-t-elle. Avec son message, une photo d'elle, mitraillette en bandoulière, treillis et béret militaire. Les Américaines connaissent Patty la communiante en robe blanche à travers les photos communiquées par ses parents aux médias. Désormais, ils découvrent Tania, le nom que s'est choisi la jeune femme, en hommage à une camarade de lutte du Che. Et voici ses premiers mots. J'ai choisi de rester et de me battre. Personne ne devrait s'humilier à faire la queue afin d'être nourri. Papa, tu dis que tu t'inquiètes pour moi, mais tu mens. Et en tant que membre de la classe dominante, je sais que tes intérêts n'ont jamais servi les intérêts du peuple. Mais vas-y, dis-leur aux pauvres de ce pays ce que le gouvernement s'apprête à faire. Dis aux noirs et aux vulnérables qu'ils seront tués jusqu'au dernier. Dis au peuple que la crise pétrolière n'est rien d'autre qu'une façon de leur faire accepter la construction de centrales nucléaires dans tout le pays. Dis aux gens que le gouvernement s'apprête à automatiser l'ensemble de l'industrie et que bientôt, on n'aura plus besoin que de presse-boutons. Dis la vérité au peuple. Dis que le maintien de l'ordre et des lois sont l'occasion de se débarrasser des éléments prétendument violents. Moi, je préfère dire lucide, conscient. On m'a renommée Tania. J'embrasse ce nom avec détermination. Je perpétuerai son combat et c'est dans l'esprit de Tania que je dis « Patria o muerte, venceremos ». La patrie ou la mort, nous vaincrons, conclut Tania à la fin de l'enregistrement sonore envoyé aux médias. Mais malgré ce message, les parents de Patricia, ou de Tania, n'y croient pas, non. La conversion est rapide, trop rapide, pour être plausible. La jeune fille a probablement parlé sous la menace, comme en témoignerait d'ailleurs le niveau de stress psychologique 2 fois plus élevé que la normale, mesuré par les experts sur la cassette audio. Non, Ce n'est pas notre fille qui parle, affirme les Hurst. Pendant que les parents pleurent, Patty, leur petite fille modèle, Tania se fait idole des jeunes. Son image de guerrière, arme au poing, devient poster, archivendu, punaisé dans toutes les chambres d'ados qui se respectent. « We love you, Tania », lit-on sur les murs de San Francisco au lendemain de l'annonce de la conversion de Patricia. La jeune femme se mue en icône pop, symbole de la fracture générationnelle qui divise les Américains. Elle juge ses parents, fuit un destin tracé d'avance, insulte son père, son milieu et la société, un rêve d'adolescent. Nathalie, 16 ans, à l'époque, citée par Lola Lafont dans son roman Mercy, Mary, Patty, déclare « J'ai le souvenir d'une joie qui ressemblait à une victoire. On ne savait pas sur quoi, mais on était heureuse, parce qu'elle parlait de nous, pour tout ce qu'on notait dans nos carnets et qu'on taisait les petites humiliations des profs et les lâchetés des parents. » Tania ne se laissait pas faire, elle. Les conservateurs, eux, parlent de lavage de cerveau, de contagion, tandis que le FBI publie une liste des signes de radicalisation marxiste à destination des parents inquiets. Si votre fille lit Angela Davis, si elle ne se maquille plus, si elle a retiré ses posters de Robert Redford, attention, il se pourrait qu'elle soit contaminée, explique grosso modo la notice. Le 15 avril 1974, 12 jours après le ralliement de Patricia Hearst au SLA, 70 jours après le kidnapping, Patricia et trois autres membres de l'organisation d'extrême gauche braquent une banque à San Francisco. Le hold-up est mis en scène comme pour prouver au monde et aux parents de Patricia que sa conversion est effective. Tania, Camilla, Emily et Cinque, le leader, apparaissent visage découvert. Leurs regards cherchent les caméras de surveillance. Oui, ils veulent être filmés. Patricia, elle, décline son identité, une mitraillette en travers de la taille. « Je suis Tania, vous savez, Patricia Hearst », dit-elle. Avant de poursuivre, « C'est un hold-up, espèce de fils de pute. Je vous ferai sauter la cervelle si vous bougez d'un millimètre. » Comme un vrai braqueur de cinéma, sous les caméras, Patricia, 19 ans, garde son sang-froid et les employés de la banque dans le viseur. Une scène digne d'Hollywood que Paul Schrader revisitera dans son film Patty Hearst, présenté à Cannes en 1988, et dont voici un extrait. Ceci est un hold-up. Le premier fils de pute qui bouge se chope une balle dans le crâne. Couchez-vous, tout le monde à terre. On vous a dit de vous coucher. Nous sommes l'ALS, et elle, celle-là, là, c'est Patty Hearst. ALS. Je suis Patricia Hearst. Tania. Oh, reste calme, ne bouge pas. Je suis Tania. Couchez-vous, bordel. ALS. Face contre terre. ALS. ALS. ALS. Les yeux au sol. Les yeux au sol, espèce de porc. Allez, le 3, dégage. 9, numéro 9. Vite. Allez, le 9, couche-toi. Dans son film, Paul Schrader présente Patricia Hearst comme une braqueuse peu habile, craintive. La jeune femme bafouille, cherche ses mots. Que son comportement soit sincère ou pas, les caméras de surveillance muettes ne permettent pas de le définir. Une chose est sûre, en revanche, sur les images du braquage, Tania tient son arme de façon persuasive et semble agir en bandit professionnel. C'est comme telle, en tout cas, que la considère le FBI. Patricia Hearst est une hors-la-loi activement recherchée par toutes les polices du pays. Le 16 mai, un mois après le hold-up de la banque Hibernia à San Francisco, Patricia, Emily et Bill Harris, deux autres membres du SLA, réitèrent. Pendant que le couple de braqueurs s'occupe du vol, chez Mills, un magasin d'articles de sport, Patricia attend sur le parking au volant d'une Volkswagen. Mais cette fois, le braquage ne se déroule pas comme prévu. Le vigile de l'établissement parvient à arrêter Bill et appelle la police. Patricia, qui assiste à la scène de l'extérieur, à travers la baie vitrée, sort alors de la voiture, charge une arme et tire 33 balles sur la façade du magasin. Selon les témoins, elle aurait alors crié « Laissez-le partir, fils de pute, vous êtes tous morts !» avant de s'échapper avec Bill et Emily, les mains vides, mais sains et saufs. Après cette fusillade, l'attention que portent le FBI au SLA et à Patricia Hearst est à son comble. Bill, Emily et Patricia, par sécurité, se réfugient dans un motel près de Disneyland, à une cinquantaine de kilomètres de la cache de l'organisation à Los Angeles. Et c'est depuis cette chambre d'hôtel, au lendemain du hold-up manqué, qu'ils assistent en direct au début de leur fin. Le 17 mars 1974, la télévision américaine retransmet en direct le premier live de son histoire. Pendant 7 heures, les téléspectateurs suivent l'incroyable assaut de la cache du SLA dans un ghetto de Los Angeles. 321 voitures de police, 3 hélicoptères, 410 policiers d'assaut, 9000 balles tirées au total. Les autorités veulent en finir avec ce groupe et mettre fin à cette humiliation qui dure depuis trop longtemps. Du premier étage de la maison, les révolutionnaires de l'armée de libération symbionnaise tirent sur la police dans une ultime tentative de défense, désespérée. Des policiers sont couchés par terre, d'autres en sniper sur les toits. Les forces spéciales, postées tout autour, ripostent avec violence. 3 maisons voisines sont détruites, les vitres soufflées par des grenades explosives. Les riverains de ce quartier afro-américain défavorisé sont paniqués. D'autant que 2 personnes, 2 simples habitants du ghetto, sont grièvement blessées par des balles perdues. Mitraillées de balles incendiaires, la cage du SLA prend feu et c'est la fin. En tout, 6 membres de l'armée de libération symbionaise, dont 4 femmes et Cinque, le leader, sont morts dans l'assaut. Mais la police le découvre très vite, parmi les corps, il n'y a pas celui de Patricia Hearst. Le premier direct de la télévision américaine se solde par un semi-échec pour les autorités. Certes, avec la mort de son chef et de 5 de ses principaux membres, le SLA est défait. Mais ce qui devait être une publicité à la gloire du FBI choque une partie de l'Amérique, tant l'assaut est violent, tant les victimes sont jeunes. À Los Angeles, les murs se couvrent de graffitis en l'honneur du SLA. Des milliers de personnes suivent le cercueil de Cinque, le leader du groupe, dans les rues de la ville. Patricia Hearst envoie alors une nouvelle cassette aux médias en hommage aux victimes de l'assaut. Elle y dit, plus amère que jamais, « Je n'ai pas peur de la mort et je ne me fais aucune illusion quant à la vie dans une prison. Jamais je ne choisirai de mon plein gré de vivre le reste de ma vie avec des porcs comme les Hearts. » Pour elle et les quelques membres du SLA encore en vie, c'est le début d'une longue cavale de cache en cache, de ville en ville. C'est en se déguisant en hippie que les policiers américains du FBI ont pu mettre la main hier sur Patricia Hearst. La jeune fille, qui est âgée de 21 ans, a été découverte par les policiers dans un appartement d'un quartier populaire de San Francisco. Elle a été immédiatement inculpée de vol à main armée et de port d'armes prohibées. Pour qu'elle reste en liberté, avec 2 de ses complices arrêtés en même temps qu'elle, Papa Hearst devra verser une caution de $500,000. Il est vrai que la rocambolesque aventure de sa fille a déjà coûté plusieurs millions de dollars à M. Hearst, patron du journal San Francisco Examiner, avec les vivres et les aliments que l'armée de libération symbionaise avait exigés sous forme de rançon pour distribuer aux pauvres de la Californie. Après 1 an et demi de cavale, c'est donc à San Francisco, à quelques kilomètres de Berkeley, où tout a commencé, que Patricia Hearst est arrêtée. Un après-midi tranquille, le 19 septembre 1975, alors qu'elle s'apprête à se doucher, 2 hommes défoncent la porte de son appartement. « Pas un geste, FBI » ordonnent-ils en pointant leur arme sur la fugitive. En bas de l'immeuble, une nuée de journalistes et de photographes attend la révolutionnaire qui leur répond en levant le poing vers le ciel, le visage fendu d'un large sourire. Après une semaine de détention et 4 mois dans sa famille, son père a payé la caution de $500,000. Le procès de Patricia Hearst est ouvert le 4 février 1976. Un procès hyper médiatique, suivi par l'Amérique tout entière. Dans le public, la famille de la jeune femme, mais aussi des militants, des étudiants et des citoyens, curieux de voir en vrai la star du feuilleton qu'ils ont suivi ces derniers mois. En tout, 300 personnes, dont un tiers de journalistes, assistent aux audiences. Devant le tribunal, les badauds qui n'ont pas pu entrer, faute de place, peuvent se faire photographier en glissant leur tête dans des photos géantes à la place du visage de Patricia Hearst. Une photo à $3, au choix. Patricia en robe de communiante ou Tania en révolutionnaire, mitraillette et béret. La Patricia qui entre dans la salle d'audience 4 février rappelle davantage la communiante que Che Guevara. vêtue d'une sage blouse grise boutonnée jusqu'au cou, les ongles parfaitement manucurés de rose pâle, les cheveux soigneusement coiffés, retenus par des barrettes dorées, la jeune femme a bien changé, de nouveau. Jamais au cours des 39 jours de procès, elle ne lèvera le poing ou ne jouera à la révolutionnaire. Tania n'est plus, et pour cause, Tania n'a jamais existé, assure la défense. Aux États-Unis, le procès de l'héritière Patricia Hearst vient de connaître son premier coup de théâtre. Après avoir adopté au début une attitude de défi vis-à-vis de la société, la jeune femme affirme maintenant qu'elle participait aux actions de l'armée de libération symbionnaise contrainte et forcée, et qu'en particulier, lors d'un hold-up commis à San Francisco, elle avait été menacée de mort. Sur place, Paul Amar. C'est la première fois depuis le début du procès que Patricia Hearst a parlé. Et pour répéter ce que son avocat ne cesse de dire depuis deux semaines, « Je ne suis absolument pas coupable », a-t-elle précisé. « Mes ravisseurs m'avaient obligé à participer avec eux au hold-up de San Francisco deux mois après mon enlèvement. Si j'avais refusé, ils m'auraient tué. » C'est sur un ton monocorde et triste qu'elle a prononcé ses premiers mots. Déprimée et amaigrie depuis son arrestation en septembre dernier, Patricia Hearst a peut-être réussi à émouvoir le juge, mais surtout pas l'accusation. Son témoignage n'a absolument pas convaincu le procureur Browning, qui reste sur ses positions et qui ne croit pas un seul instant à la thèse du lavage de cerveau. Au cours du procès, la jeune femme et son avocat racontent 57 jours d'enfermement et de torture. Les yeux bandés, Patricia Hearst est enfermée dans un placard, privée de nourriture, contrainte à des séances d'autocritique et régulièrement violée par ses ravisseurs. Chaque preuve de sa conversion aux idées du SLA est récompensée par davantage de liberté, une promenade, une discussion, un film à la télé. L'expression « syndrome de Stockholm » n'existe pas encore, mais c'est ce que cherche à prouver la défense. On parle alors de lavage de cerveau et de persuasion coercitive. Patricia Hearst aurait été affaiblie, manipulée psychologiquement et physiquement jusqu'à ne plus savoir qui elle était. Les enregistrements sonores, non intentionnels. Les manuscrits théoriques retrouvés chez elle, non intentionnels. Le poing levé lors de l'arrestation, non intentionnel. Les braquages, sous contrainte. Les explications des psychologues appelés à la barre ne convainquent pas l'accusation qui décrit une jeune femme fondamentalement rebelle. Patricia n'envoyait pas de carte postale à ses parents en colo à 13 ans. Elle avait été renvoyée de son collège pour blasphème. Elle avait refusé de se rendre au bal de promo au lycée. On appelle ça un dossier. Surtout, Patricia refuse maintenant de témoigner contre ses amis arrêtés en même temps qu'elle. Et elle porte un cadeau offert par Willy, un ancien petit ami et membre du SLA. D'ailleurs, Patricia a eu des rapports sexuels avec plusieurs membres de l'organisation, y compris des femmes, et elle ne porte pas de soutien-gorge. Au fil du procès, le hold-up du 15 avril 1974 passe presque au second plan, tant on s'attarde sur la personnalité de l'accusé, qui apparaît de plus en plus subversive. Patricia Hearst est-elle accusée de hold-up ou sera-t-elle condamnée pour avoir contaminé l'Amérique bien-pensante et conservatrice en insultant ses parents, en reniant son milieu social et en couchant avec des marxistes? Le procès a duré 39 jours. Les 12 jurés ont écouté 66 témoins, mais ils n'ont délibéré que pendant 12 heures. S'il a pris sa décision aussi vite, c'est qu'il n'a jamais douté de la culpabilité de Patricia Hearst. Le célèbre avocat Bailey a échoué. Il avait fait de la jeune fille un portrait émouvant. Patricia a été contrainte de rester avec les hommes qu'il avait enlevés en février 1974. Elle a été obligée de commettre plusieurs hold-up et d'écumer la région avec eux. Explication un peu trop romancée au goût du procureur, qui a présenté de son côté des preuves accablantes. Un film tout d'abord, enregistré par une caméra invisible, le jour du hold-up dans une banque de San Francisco, est diffusé à plusieurs reprises au cours du procès. Patricia Hearst, qu'on voit très bien, ne semblait ni forcée ni droguée. Deuxième preuve, des bandes magnétiques envoyées par Patricia Hearst à sa famille ou au FBI. La jeune fille a affirmé avec fierté avoir rallié la cause de ses ravisseurs. Ces documents ont convaincu les jurés, ils ont reconnu Patricia Hearst coupable. Mais ils restent sur leur faim, si j'ose dire, comme des millions d'Américains. Personne ne peut en effet prétendre connaître la véritable personnalité de cette jeune fille qui est restée impassible pendant tout le procès et qui n'a pas réagi à la lecture du verdict. Après l'intervention d'une commission de révision, Patricia Hearst est finalement condamnée à 7 ans de réclusion pour le braquage de la banque Hibernia avant que le président Jimmy Carter ne la fasse libérer le 1er février 1979. Après 22 mois en prison, elle se marie avec celui qui gardait sa cellule, Bernard Shaw, et devient actrice de cinéma en jouant, notamment pour le réalisateur John Waters, dans Cry Baby ou Serial Murder. En 2001, elle est entièrement réhabilitée par le président Clinton. Dans une Amérique en crise, pétrie de conservatisme et d'anticommunisme, le choix contraint de Patricia Hearst incarne de façon romanesque les états d'âme de toute une génération d'Américains, traumatisés par les espoirs déçus des 60s, en quête d'une liberté ou d'une justice toujours remise en cause. Coupable ou innocente, Patricia Hearst l'est tout à la fois, et c'est ce qui intrigue encore aujourd'hui. Jeune fille rangée, pas si rangée, la riche héritière fut sans doute prisonnière de son milieu social, avant de devenir celle du SLA, l'armée de libération symbionaise. Où que soit la vérité, révolutionnaire de cœur ou communiste forcé, son enlèvement constitue bien une échappée, une embardée sur le chemin tout tracé de son existence. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le dossier Patricia Hearst, avec notre invitée Lola Lafont. Bonjour. Bonjour. Vous avez été citée pendant le récit, ça ne vous a pas échappé, puisque vous avez consacré un roman à l'histoire de Patricia Hearst, intitulé Mercy Mary Patty, publié en 2017, l'an dernier, chez Actes Sud. Voilà, quand on écrit un roman, soit une biographie, soit un roman, autour d'un personnage, autour d'une histoire, c'est un vrai investissement, puisque c'est un travail de longue haleine, ça fait partie de soi-même, quasiment. Donc, faut être très motivé. Qu'est-ce qui vous a motivé dans cette histoire au point d'en écrire un livre ? Précisons quand même les écarts volontaires et artistiques que vous vous êtes permis par rapport à la réalité. Hein. C'est un roman. Oui, c'est un roman. Après, c'est vrai que autour de l'affaire Hearst, moi j'aime beaucoup la documentation, j'aime beaucoup la recherche, et donc j'ai eu l'occasion de faire 3 voyages de recherche aux États-Unis. Donc ce sont des faits. La plupart des faits cités sont exacts. C'est moi qui ai traduit les messages que vous avez lus, parce qu'il n'y avait pas de traduction auparavant. Ce qui m'a intéressé et ce qui m'a tenu deux ans sur cette affaire, effectivement, c'est que elle est intemporelle, en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'elle est très années 70, mais en fait, pas du tout. Finalement, c'est quoi? C'est l'histoire d'une jeune fille qu'on n'écoute pas ou qu'on écoute mal. Parce qu'il y a sans doute des choses avant. Et puis, à un moment donné, il y a une sorte de rencontre. Il se passe quelque chose d'inattendu. Et alors, comme vous l'avez dit, elle change de direction. Ouais. Sans qu'on puisse dire, sans qu'on dise pour autant elle a fait de son plein gré, elle a choisi ou elle n'a pas choisi, parce que ce qui reste, c'est qu'elle a pris conscience de certains trucs. Donc vous voulez dire que la question de savoir si elle a choisi ou pas, n'est pas une question essentielle, quoi. C'est impossible de la démêler, en fait. Moi, j'ai lu tout le procès, j'ai lu 1000 pages du procès. Au bout d'un moment, effectivement, on ne s'occupe plus du hold-up, mais c'est très troublant parce qu'on s'occupe de ce qu'elle a pensé. Ça veut dire que ce qui est en procès, c'est le fait qu'elle ait pu douter du capitalisme américain. Oui. Et ce qui est en procès, c'est effectivement de savoir, est-ce qu'elle a vraiment jugé ses parents en public? Et finalement, on s'occupe plus du fait pour lequel elle est en procès. Donc, en réalité, le pouvoir américain avait très très peur de sa contagion. Parce que si une jeune fille blanche, conservatrice comme elle, vraiment pas du tout hippie... C'est la fin de tout. Mais oui, c'était la fin, c'était fini. Parce qu'en fait, qu'elle soit allée avec eux de son plein gré ou pas, ce qui est exact et qu'elle a confirmé par la suite, c'est qu'avec eux, elle a découvert la face cachée du capitalisme américain. Elle a découvert qu'à côté de chez elle, il y avait 4 millions de personnes qui mouraient de faim. Elle a découvert qu'il y avait des inégalités sociales. Elle a découvert plein de choses qu'à 19 ans, elle ne connaissait pas. Bien sûr. Et évidemment que ça l'a fait un petit peu changer. Et c'est extrêmement gênant pour le pouvoir aux États-Unis. C'est extrêmement gênant. Bien sûr. Parce que c'est un conte, les Hearst. C'est l'équivalent de la famille Trump à l'époque. Il faut imaginer la fille de Trump qui, tout d'un coup, se convertirait au marxisme radical, quoi. Ouais. C'est ça l'effet que ça a produit. Et puis les questions que ça pose, moi ce qui m'a tenue, c'est que la question que ça pose, c'est quelle est la part de nous qu'on choisit réellement? Parce qu'elle le renvoie ça à un moment donné aux journalistes. Quand les journalistes disent oui mais elle a subi un lavage de cerveau, elle écoute à chaque fois, donc dans chaque bande elle répond. Elle dit mais oui, j'ai subi un lavage de cerveau de la part de ma famille, des médias et des écoles privées dans lesquelles on m'a enfermée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a raison, on subit tous différents lavages de cerveau, et là, simplement, on se focalise sur celui qui nous déplaît, celui de la SLA. Alors, dans votre livre, il y a Patty, Patricia, mais il y a aussi Mercy et Mary. Oui. Elles sont trois. Or, l'histoire dont on vient de parler, c'est l'histoire d'une personne dans un groupe. Mais vous en mettez trois. Oui, pourquoi? C'est pour ça que je vous dis que c'est une histoire intemporelle. D'accord. Parce que dans mes recherches, en fait, qu'est-ce que je découvre? Que sur la côte est américaine, 17e et 18e siècle, des jeunes filles sont enlevées par les natifs américains pendant la guerre, par les Indiens, comme on dit. Et elles sont adolescentes et une partie d'entre elles, dont Mercy Short et Mary Jamison, refusent de revenir dans leur famille d'origine. Et il se produit à ce moment-là des procès pour exorcisme parce qu'on pense qu'elles sont envoûtées par les Indiens. Et en fait, c'est l'histoire intemporelle de la figure de la jeune fille qui veut échapper à son milieu, qui se retourne contre ce qu'on appelle la civilisation et qui préfère rejoindre les ennemis de son époque. Donc en fait, cette histoire, voilà, on la connaît encore aujourd'hui. Oui, elle a des résonances. Elle a des résonances. Et évidemment. Est-ce que vous avez interviewé un ou des psys? Parce que finalement, cette histoire nous raconte tout ce que vous avez dit. Radicalité, l'engagement, le libre arbitre, la métamorphose, la soumission, oui, la dépendance, que sais-je encore. Vous avez parlé à des psys pour savoir ce qu'ils... Non, parce que je pense, en vérité, je pense que chacune... je pense que quand on est une femme ou quand on est une jeune fille, on sait vraiment ce que c'est de ne pas être entendue. Les mouvements MeToo en sont un bon exemple, en fait. Et la parole de Patricia, c'est assez troublant qu'au moment où elle a un texte, parce que jusqu'à là, elle est muette, au moment où il y a les bandes, personne ne veut entendre ce qu'elle est en train de dire. C'est ça, c'est pas qu'on ne l'écoute pas, c'est qu'on veut pas l'écouter. On ne veut pas, surtout et on pas. Dit, ah non, mais c'est d'autres personnes qui ont écrit son texte. Alors, même si d'autres personnes l'ont aidé à écrire son texte, il y a quand même des phrases qui sont très troublantes. Moi, ce qui m'a troublée, c'est que plusieurs fois, dans ses messages, elle dit « je suis vivante ». Et ce qui passe pour, au début, quelque chose qui rassure ses parents « je suis vivante », au fur et à mesure des bandes, ce qu'on entend, c'est peut-être « je suis enfin vivante ». De la même façon, ce qu'elle dit, et qui est très beau et très troublant, c'est « ce n'est pas la SLA qui me fait peur, c'est le FBI ». Et puis ce qui me fait peur, c'est votre indifférence aux pauvres. Et c'est vrai que moi, quand j'ai entendu ces bandes, je me suis dit « quelle actualité ?» parce que l'indifférence, c'est la mienne, c'est la nôtre. Et ses parents, alors, on imagine pour eux double peine en fait, oui. L'enlèvement de leur fille, hein, pour des parents, on comprend ce que ça peut être, et surtout ce que la fille dit d'eux et de la société américaine dont ils représentent ces deux-là, les Hearst, tout ce qu'il y a de plus privilégié quand même. Tout ce qu'il y a de plus privilégié, en même temps, une enfance hyper solitaire, en fait, quelque chose d'extrêmement enfermant, puisqu'elle pauvre, est jamais... Pauvre petite fille riche, c'est ça? Oui, un petit peu quand même, parce qu'elle ouais. est élevée par des nounous, on la change d'école dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle est seule en permanence, quand même, la nounou qu'il a élevée au moment où elle apprend la mort des membres de la SLA et peut-être celle de Patricia, qu'est-ce qu'elle dit à la presse? Elle dit c'est dommage qu'elle ne soit pas morte brûlée dans la maison avec les autres, au moins ça aurait fait d'elle une héroïne, tout plutôt qu'être cette honte vivante pour ses parents. Donc on voit qu'il y a une vraie affection quand même chez les Hearst, c'est épouvantable en fait. Donc il y a une question qui se pose, c'est effectivement peut-être que la SLA a agi de manière coercitive, c'est probable, un enlèvement c'est quelque chose d'extrêmement brutal. Mais en même temps, où serait-elle allée? C'est la vraie question. C'est une femme qui a aujourd'hui 63 ans, si mes calculs sont bons, donc une sexagénaire, jeune sexagénaire. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Alors écoutez, elle a fait une sorte de tour complet, elle est revenue au milieu dont elle était issue. Et alors, chose que je trouve assez amusante, c'est qu'elle organise et gagne des concours de petits chiens. Tiens donc. Ouais. Bon. Ah bah écoutez, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Rien? Rien de spécial? En fait, si, ça m'a. Si. C'est-à-dire que ce qui me fascine, c'est qu'on ne sait pas ce qu'elle pense le soir quand elle est seule chez elle. Ouais. Et c'est là-dessus que le roman, effectivement, est bâti. C'est l'histoire d'un cerveau humain, donc effectivement, on ne pourra jamais dire elle a fait le choix ou elle n'a pas fait le choix. Parce que. Ça appartient à son intimité inexplorable. Totalement. Hum? Oui, c'est totalement ça, en fait, inexplorable. Hein. Alors, 1983, Bernard Pivot la reçoit dans sa fameuse émission Apostrophe, et voilà comment il la présente. Alors, il y a une chose, moi, qui m'étonne quand maintenant je regarde un petit peu votre vie. C'est que vous êtes étudiante, vous tombez amoureuse de votre professeur de mathématiques, vous allez vivre 3 ans avec lui. C'est d'ailleurs, vous vivez avec lui quand vous êtes kidnappée. Puis ensuite, vous êtes enlevée par des terroristes et vous devenez vous-même terroriste. Puis ensuite, quand vous êtes libérée, on vous donne des gardes du corps, vous tombez amoureuse d'un des gardes du corps et vous l'épousez. Je remarque que 3 fois... vous vous livrez corps et âme à des gens que le hasard met sur votre chemin. L'un c'est un professeur, après c'est des terroristes et après c'est un garde du corps. Je me demande si, dans votre jeunesse bien évidemment, vous ne manquiez pas quand même beaucoup de personnalité. Voilà, une femme sous influence. Oui, alors moi je trouve ça terrible en fait, parce que ce que ça dit en fait, c'est qu'elle est incapable de réfléchir par elle-même. Et qu'elle oui, ça dit ça, oui. Elle est toujours dépendante d'un homme. Et donc en fait, ça va un petit peu dans le sens de ce que je vous disais il y a 5 minutes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'à un moment donné, elle a regardé l'Amérique dans les yeux et qu'elle s'est dit, c'est pas possible en fait. Non, c'est toujours son fiancé, le révolutionnaire ou son futur mari. Mais non, je pense qu'elle a pensé en fait. Incroyable. C'est pas incroyable qu'elle pensait, hein, finalement. Pendant le procès, alors, c'était ou Dr. Jekyll ou Mr. Hyde, si j'ose dire. Pendant le procès, elle était soit Patricia, soit Tania, c'est ça? Oui, oui. Et elle est Patricia. Pourquoi elle est Patricia dans le procès? Elle n'a pas le choix. Elle risque 34 ans de prison. En fait, je pense qu'elle n'a pas le choix. Cela dit, il y a eu plein de choses assez troublantes. C'est-à-dire quand elle était au parloir, alors qu'elle savait qu'elle était enregistrée, elle a reçu sa meilleure amie, et là, elle dit à sa meilleure amie, je vais me défendre d'un point de vue féministe radical, parce que j'ai très peur d'être libérée et enfermée dans la maison de mes parents. Et ça, elle le dit en prison. Est-ce qu'il serait pour elle une prison pire? Ouais, bah, apparemment, c'est ce qu'elle a dit. Donc ça fait triple peine pour les parents, maintenant. La valise est lourde. On va écouter une deuxième et dernière archive. Alors c'est l'extrait d'une lecture musicale de Mercy Mary Patty. D'ailleurs, il y en aura une autre bientôt, on en reparlera. À la Maison de la Poésie à Paris, avec les voix de vous, Lola Lafont, oui. Apolline Rai, Jonas Mordinski et Abel Zamora. On écoute et on en parle après. Dans mon quartier, à l'école, on avait fabriqué des pancartes pour Patricia. On t'aime, Patricia. Une prière pour Patricia. Dieu te bénisse, Patricia. Le lendemain de l'annonce de sa conversion, elle gisait arrachée sur la pelouse. Nos parents les avaient piétinés. Elle était notre héroïne. J'étais persuadé que Patricia était ma prof de 6e et qu'elle s'était teint les cheveux. On avait convenu avec les autres gamins qu'on la balancerait pas aux flics. Être recherchée dans tout le pays nous paraissait tellement excitant. À chaque fois qu'on se téléphonait avec ma meilleure amie, on adoptait son ton lugubre. C'est Tania. C'est une explosion de joie. La joie d'un amour surgi en moins de 24 heures, placardé sur les bars à New York, des odes à Tania, Patricia, dans les cafés à Los Angeles, sur les façades du commissariat d'Oakland. On t'aime Tania, we love you Tania. Ouais, prenez ça dans vos vies congelées, on t'aime. Non, nous non plus, on ne se rendra pas aux évidences rances. Terminé, l'écarissage que subissent nos désirs hésitants, terminé, fini. Alors ça, ça nous montre à quel point Patricia Hearst a pu avoir de l'influence sur des jeunes à l'époque, une icône pop, alors quasiment. Alors ça, c'est un extrait... Est-ce que c'est vrai, ça vous parle? Non, c'est un extrait du roman, mais donc c'est compris. Des choses que j'ai écrites. D'accord, mais est-ce que c'est une légende ou est-ce qu'elle a vraiment été une icône? Ah non, ça a été vraiment une icône, ça a été vraiment une icône pour une partie de la jeunesse, parce qu'évidemment, le fait de remettre en cause un système et de penser que les inégalités se combattent, c'est pas général. Donc elle a été une icône... Elle a été une icône et en même temps le poster en fait qui a été celui de son image en révolutionnaire était ça aussi, c'est-à-dire quelque chose de marchand. C'était un poster et le capitalisme s'est très bien récupéré les images et donc malheureusement pour elle c'est vite devenu un poster. Elle est devenue un poster. Eh oui. Effectivement. Elle n'a pas eu de... Donc on a vu les forces sociales qui ont pu la soutenir, enfin tous les révoltés, les noirs, les laissés pour compte. Oui, pardon. Pas vraiment, en fait, parce que la SLA n'a jamais réussi à être soutenue par les mouvements de libération noire, parce que les Black Panthers ne les ont jamais soutenus, parce qu'ils ne les trouvaient pas sérieux du tout, ce qui était le cas. Ils n'allaient pas soutenir un groupe dont le grand, les hauts faits, c'était d'enlever une jeune fille de 19 ans. Donc ils n'ont jamais réussi à s'attirer les soutiens de l'extrême gauche. Donc en fait, ils avaient très peu de soutien. Ils avaient presque pas de soutien. Voilà, ils étaient à la fois en marge de la société, ouais, et en marge de ceux tout qui menaient fait le combat, ouais, auquel il adhérait. Et comme vous l'avez dit pendant le récit, c'est-à-dire c'est leur mort qui en a fait des martyrs. C'est dans leur mort qu'ils ont eu le plus de soutien, parce que la violence de l'attaque contre eux, qui a été télévisée, qui était incroyable, a choqué. Bon, alors donc peu de soutien, ouais. J'imagine qu'il n'y a pas de soutien non plus du côté des forces politiques, qu'elles soient républicaines évidemment, même pas démocrates. Non, voilà. C'était impossible, ils étaient trop flous. Alors, si vous l'avez jamais rencontrée ? Non. Vous n'avez pas cherché à la rencontrer ? Non, parce qu'écrire un roman, c'est pas la biographie de Patricia Hearst, c'est des interrogations autour du libre arbitre et de qu'est-ce que ça veut dire la radicalité. D'accord. Donc, de toute façon, je pense pas qu'elle parlerait de cette époque facilement. Bon, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire si vous la rencontriez ? Je pense que j'aimerais lui dire que, comme tout le monde, elle n'est sans doute ni Patricia ni Tania, mais un mélange des deux. Et que voilà, que ce qui est très triste, c'est qu'elle n'ait pas pu le dire. Alors, on a entendu, ce sera ma dernière question, on a entendu tout à l'heure un extrait d'une lecture de Mercy Mary Patti à la Maison de la Poésie à Paris. Si je ne m'abuse, il y en a d'autres qui arrivent. Oui, mardi 23. On va rejouer le mardi 23, le mercredi 24 janvier à 21h. Il y a de la musique aussi, parce que là, on n'a entendu que des choses lues. Oui, parce que c'est une lecture musicale, voilà, ça. Nous, c'est comme lecture donc, musicale. Il y a beaucoup de chansons et de musique, voilà, c'est 23-24. D'accord, et la Maison de la Poésie, c'est Passage Molière, 157 rue Saint-Martin. Dans le 3e arrondissement de Paris. Merci infiniment, Lola Lafont. Je rappelle le Merci. Titre de votre livre, Mercy Mary Patti, chez Actes Sud. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Patricia Hearst. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur France Inter. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Puisque nous sommes jeudi, merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Jean Bulot, Adrien Cara et Jeanne Mayer. Attaché de production, Valérie Priollet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Lecture, Philippe Pierrard, Aurélien Labruyère et Sophie Hoffmann. Réalisation, Fabrice Lègle. L'aigle à la technique aujourd'hui, Arnaud Caillet.